Exercice 9, page 148. A. Il est danois. Transformer. Elle est danoise. B. Il est chinois. Transformer. Elle est chinoise. C. Il est français. Transformer. Elle est française. D. Il est suédois. Transformer. Elle est suédoise. E. Il est russe. Transformer. Elle est russe. F. Il est suisse. Transformer. Elle est suisse.